famélique, sorti de nulle part. Il égorgea sa proie d'un geste perfectionné, la traîna au dehors, des regards indiscrets. Dans une ruelle obscure, là il était peinard. Il lui trancha le foie, nécrophage dévoué, comme on coupe un poulet ou un vulgaire canard. Et sua l'hémoglobine coulant sur son poignard. Il reprit sa route comme si de rien n'était. Le tueur dont je parle n'est pas un cannibale, c'est un collectionneur, un passionné, l'animal. Le tueur dont je parle n'est pas un cannibale, c'est un collectionneur, un passionné, l'animal. Il est aimable, a le cœur sur la main. Un homme dont on parle, dont on dit que du bien. De nuit il devient fou, a le cœur dans la main. La victime dans les bras, oui c'est un assassin. Le passant dont je parle n'est pas un homme banal, c'est un gars incompris pouvant devenir brutal. Le passant dont je parle n'est pas un homme banal, c'est un gars incompris pouvant devenir brutal. Avant qu'il ne soit né, lorsqu'il se baladait dans les rues de Morlaix, une tuile est tombée sur son crâne dégarni. Il est mort sur le coup, aucune chance de survie. Sa mère fut violée avant d'être tuée par un réparateur et son petit commis. Le corps ne fut jamais, non jamais retrouvé, mais les deux malfrats, oui, furent enfermés à vie. Le garçon dont je parle n'est pas un familial, c'est un solitaire, encore à l'âge néandertal. Le garçon dont je parle n'est pas un familial, c'est un solitaire, encore à l'âge néandertal. Jamais retrouvé, ce qu'il avait gardé dans un frigo congelé. Il voulait remplacer les organes dégénérés. Il voulait la sauver, enfant naïf qu'il était. Le médecin dont je parle n'est pas un spécialiste, c'est juste un rêveur, un peu radicaliste. Le médecin dont je parle n'est pas un spécialiste, c'est juste un rêveur, un peu radicaliste.